Il y a une certaine façon de voir la vie. Et la mort. Tiens. Les morts, je m'appelle quand même à la prière. Malgré les bombes. Et les fidèles vont y aller. C'est pas sûr. Des bombes qui pleuvent partout, hein? Qui? Je m'en vais. On ne sait pas très fort. Je la connais très bien. J'aurais aimé la connaître dans d'autres conditions que ça. Oui, c'est une spécificité après Colis.